consulter la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on démarre avec une nouveauté norvégienne. En fait, on va vous présenter deux extraits du prochain album studio de Airbag, un album qui doit être lancé le 14 juin prochain. Et le titre, c'est The Century of the Self. Ça va être le sixième album studio pour la formation norvégienne. Et dans la bonne tradition des Norvégiens, il y a des invités. Et sur ce disque, on y retrouve notamment à la basse Christian Holtgren de Wobbler. Il y a à la guitare Ole Michael Bjørndal de Caligonot. Et au clavier, Simon Valdal Johannesson de Oak. On vous présente ce soir les pièces Awakening et Erase. Et par la suite, Marc, on a une autre nouveauté norvégienne et il y a un lien entre cette nouveauté et Airbag. Oui, on parle ici du musicien norvégien Arild Brøtter, qui fait partie de la formation Pimlico. Ils ont réalisé 7 albums avec cette formation. Et c'est un musicien qui se passionne depuis son jeune âge pour les films de James Bond. Il a réalisé un album instrumental qui a pour titre A Spectre of Sounds, James Bond Music Reimagined. Il travaille sur cet album-là à partir des thèmes de la musique du film Honor Majesty's Secret Service. Et il y a avec lui 19 musiciens, dont Bjørn Riis, qui est le guitariste de Airbag, justement. Et c'est un projet sur lequel il travaille depuis plusieurs années, où la musique de James Bond est réarrangée. Et d'ailleurs, Bjørn Riis a été invité pour jouer de la guitare, lui-même qui est un passionné également de James Bond. Le lancement de l'album est prévu pour le 6 septembre prochain. Alors, on aura pour vous ce soir la partie 1 de la suite « Honor Majesty's Secret Service ». Et ce sera suivi de la formation Focus des Pays-Bas, composée de Tirs van Leer, maintenant âgé de 75 ans, et du batteur Pierre van der Linden, âgé aujourd'hui de 78 ans. Ces deux musiciens sont encore très actifs et contribuent à la musique de Focus avec une grande passion. On dit que Tirs van Leer se lève encore à 4h30 du matin pour travailler sur des nouvelles compositions. Alors on aura pour vous ce soir un extrait de leur nouvel album qui a pour titre Focus 12. Et ils sont accompagnés ici de plusieurs jeunes musiciens pour faire vivre la musique de cette excellente formation des Pays-Bas. On aura pour vous ce soir la pièce Fjord Focus. Mais pour débuter le bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec deux nouvelles pièces du nouvel album de Airbag. Thank you. myself and left alone. You searched but never found what you were looking for. Do you need a way out? Don't recognize yourself anymore. With the curtains closed, you spend hours on your phone. Reach out, and I'll pull you through. I'll pull you through. Again.

Donc, sur cet album, il y a des nouvelles compositions et il y a également des pièces qui ont été revisitées. Alors, ce soir, on aura pour vous la pièce qui a pour titre René, qui est en fait une nouvelle interprétation de la pièce qui avait pour titre Magritte, qui apparaissait sur l'album Mela Pesante, paru en 2010. Ce sera suivi de la formation Aurora Lunare. On avait eu à la fin de 2023 un premier extrait pour vous de cet album qui a pour titre Terzo Luogo, et vous avez pu constater qu'il y a comme chanteur invité Alessandro Corvaglia sur cet album. Alors pour vous ce soir, on a un second extrait intitulé « Alla fine del niente ». Mais comme nous le disait Michel, on débute d'abord avec un nouvel extrait du nouvel album de The John Irvine Band. sleeps ruthless through our cares. Dreams come out as paintings from my eyes. I saw gold in your hair. I cut an apple from your chest. It's funny and it's true. Or I'm kidding you. Put on my blanket, 'cause rain stopped. I love this mystery, 'cause I've paid a lot. It fills my veins as wine, as a mirror sky. Does its will, a brand new spring, a brand new ride, a brand new love. But it takes time to break reality between you and me. Thank you.

On aura également la formation russe Little Tragedies et leur plus récent album Don Quichotte, donc un nouvel extrait de cet excellent disque avec la pièce I Don't Remember. On aura également la formation multinationale Proportions et un second extrait de leur nouvel album qui a pour titre Conundrum avec la pièce The Swan, The Toad, The Dragonfly. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on y va du côté de la Suède. Oui, on se fait plaisir avec un extrait du plus récent album de Aguza, Prima Materia, et c'est la pièce Ur Askan. We'll be right back. Я не помню, где сердцем согреться в пути. Ветер камни крошит в песок, и закат угасает до первой звезды, и заветом положен срок. Словно тень я крадусь по неверной тропе, перед краем замедлю ход. Я немало ролей в этом мире сыграл, и остался мне Дон Кихот. поверженный стяг, тишина и покой вокруг. Стоны стихли, уходит испуганный враг. Бой окончен, разомкнут круг. Ты увидишь рассвет, если вдруг повезет, и закаты ночных полей. Сокол взмыл в высоту, так прекрасен полет, и луна средь ночных ветвей. Thank you.

Come ring my ears, my eyes go blind. Do I need Ce soir, on a choisi de vous laisser avec un extrait de l'album Ink de la formation espagnole Pervy Perkin, un groupe de métal progressif. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine. Restez des nôtres, l'autoroute suivra.